Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 6, du samedi 29 septembre 1883. Page 1, colonne 2. Nouvelle locale. Notre prochain numéro contiendra un article sur le séminaire Saint-Charles-Borromée. Les causes de Pingo contre Sims, la rue contre Morehouse, iront en cours de révision. Monsieur François-Xavier Simoneau, notre habile constructeur, entrepris les cuves et autres accessoires de la nouvelle brasserie Widget Frères et Compagnie. Nous avons un automne splendide cette année. Et n'étaient les soirées, les nuits et les matinées qui nous font grelotter, on se croirait en plein été. Nous avons reçu plusieurs rapports imprimés par ordre du Parlement. Nous nous en donnerons des extraits à l'occasion. Nos remerciements à qui de droit. Beaucoup d'étrangers étaient dans notre ville samedi dernier à l'occasion de la revue du 53e bataillon. Nous ne citerons personne, la liste en serait trop longue. Un grand nombre de nos concitoyens ont profité de l'excursion donnée par le Grand Tronc la semaine dernière, pour aller visiter l'exposition de Boston. Il y a une ferme dans les environs de notre ville portant le nom de « Ferme de la Providence ». N'est-ce pas que c'est bien imaginé pour mieux prendre? Beaucoup d'animaux à l'exposition de Lennoxville mardi dernier. La pluie et le vent, apportés par une violente tempête, n'avait fait peur qu'aux spectateurs, les exposants étaient nombreux. Monsieur le Major Israel Wood, anciennement employé de la compagnie d'assurance Stansted & Sherbrooke de notre ville, vient d'entrer à la Gazette de Sherbrooke en qualité d'agent voyageur et collecteur. Le 17 octobre prochain aura lieu à Lennoxville le tournoi de l'Association des labours de Sherbrooke. La lutte est ouverte cette année au canton de Compton, aussi bien qu'à la ville électorale de Sherbrooke. Samedi dernier, une vingtaine d'ouvriers ont laissé leur travail sur la ligne de Waterloo & Magog pour s'embaucher sur la ligne du Mégantic, où les prix sont plus élevés. Ils ont pris l'International dans l'après-midi. Monsieur V. Bogert, le fabricant de montres et d'horloges dont nous parlions la semaine dernière, vient de louer la grande maison de briques de Monsieur Morris sur la place du marché. Si nous sommes bien renseignés, au printemps prochain, il régnera dans ce bâtiment transformé en atelier une grande activité. Sur toute la ligne du Waterloo et Magog, il n'est bruit que de la disparition de Daniel Z. Murphy, sous-entrepreneur des mines. Il est parti samedi dernier dans la nuit, emportant l'argent dû à ses ouvriers pour un mois de travail. La somme se montrait, dit-on, à 800 piastres. La police a lancé ses limiers à ses trousses. « Chaque semaine, nous voyons, dans l'un ou l'autre des deux journaux anglais de cette ville, des remerciements à l'adresse de personnes qui ont envoyé au rédacteur de ces feuilles qui du gibier, qui des fruits, qui des légumes, etc. C'est à croire que les alouettes leur tombent toutes rôties dans la bouche. Heureux confrères! Monsieur Adam, avocat à Montréal, vient d'épouser Mademoiselle Corinne, fille de Monsieur le juge Mathieu. La bénédiction a été donnée par Monsieur l'abbé Mathieu, oncle de la mariée et professeur de théologie au séminaire de Sherbrooke. Dans l'après-midi du jour de leur mariage, les jeunes époux ont reçu grand nombre de visiteurs, parmi lesquels Lord Carnarvon et son épouse, en ce moment en visite au Canada. Nous offrons nos vœux de bonheur aux époux et nos félicitations à leurs parents. Deux autres manufactures en perspective. Monsieur V. Brosseau va établir une manufacture de seaux et de tinettes dans l'ancienne maison que l'on voit au milieu du Magog sur un petit îlot. Plusieurs Français et Canadiens français vont aussi, dit-on, ouvrir une manufacture de cigares vers les premiers jours d'octobre. Dimanche matin, nous dit un ami de notre feuille, il est arrivé ici une famille belge composée du père, de la mère et de 8 enfants. Comme de coutume, c'est le lieutenant-colonel E. Botson, notre actif et dévoué agent de langue anglaise, qui a reçu ces braves gens et en a eu soin durant la journée. Où était donc l'agent de langue française? Samedi, l'après-midi, M. John Harkness, loueur de chevaux de notre ville, a failli perdre la vie à son hippodrome dans Sherbrooke-Est. Il était en train d'attacher une chaîne dans le haut de sa grange lorsqu'il tomba tout à coup avec l'échelle et se fit des blessures graves. Il fut ramassé sans connaissance et passa une partie de la nuit dans cet état. Lundi après-midi, il était mieux et hors de danger. Nos confrères anglais rapportent qu'il y a eu grande excitation chez plusieurs propriétaires de parterres où, la semaine dernière, on a vu fleurir la cérèse des nuits, Night Blooming Cerus. De semblables phénomènes sont attendus pour les premiers jours de cette semaine dans les parterres de plusieurs autres personnes. Cela nous rappelle la parole du prophète que nous changeons en celle-ci, Flores Inarant Gloriam Dei. Monsieur D. Thomas, notaire et registrateur, est de retour, depuis la semaine dernière, de son voyage au lac Spider et au lac Moosehead, ce dernier dans l'état du Maine. Notre ami est enchanté de son excursion. Il a pris du poisson en abondance. Nul doute qu'il ne favorise les lecteurs du Forest and Stream de chroniques intéressantes touchant les endroits qu'il a visités. Monsieur Thomas et Monsieur J.B. Brousseau, avocat à Sorel, sont deux de nos sportsmen accomplis. Les mêmes goûts les ont poussés vers ces endroits sauvages cette année. Nous aimerions beaucoup savoir ce qu'en pense notre ami de Sorel. Nos deux concitoyens, Messieurs H.C. Cabana et J.J.A. Chiquan, avocats, sont partis le 17 au soir en route pour New York, où ils ont dû s'embarquer le lendemain à bord du paquebot Saint-Germain de la compagnie transatlantique pour la France et l'Italie, etc. D'après le correspondant du News de Saint-Jean, la Suisse. Espérons que le vent de la bonne fortune va gonfler les voiles du bateau qui porte ces deux existences précieuses, qu'ils vont être accueillis partout avec les égards dus à leur haut rang, qu'ils seront décorés du ruban de la Légion d'honneur à Paris, fait chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand à Rome et proclamé maître recruteur en Suisse. Il y a eu des courses lundi au rond de M. Harkness. Les spectateurs n'étaient point en grand nombre. Les bourses étaient au nombre de 3. Première, une bourse de 80$ ouverte au nouveau. Premier prix gagné par le cheval de M. Schultz, Lennoxville. Deuxième prix, par l'étalon de M. Bellil de Moulton. Troisième prix, par le poulain de 4 ans de M. Basile Marinier de Quaticook. Deuxième, une bourse de 100 $ ouverte à tous chevaux. Premier prix au cheval de G.S. Snow, Richmond. Deuxième prix à la jument de M. B. Marinier, bien connue sous le nom d'Alice. Cette dernière vient d'être entrée dans une course qui aura lieu à Montréal le 8 octobre prochain pour une bourse de 500 $. Un pénible accident est arrivé pendant ces courses. Un jockey du nom de Perry a fait une chute qui a mis ses jours en danger. La revue annuelle du 53e bataillon de Sherbrooke a eu lieu samedi dernier sous les ordres du lieutenant-colonel Van Straubenzil du département de la milice du Canada. Les exercices ont duré de 2h à 7h p.m. sur le champ de Mars. Il y avait bon nombre de spectateurs. Les divers mouvements ont été exécutés d'une manière fort passable pour des recrues, la plupart de l'année courante. La compagnie numéro 4, capitaine Bélanger, a reçu des applaudissements à cause du bon maintien et de sa marche dans l'évolution appelée « March Past ». Des hommes de l'art, comme le lieutenant-colonel E. Botson, ont félicité M. Bélanger de ce succès, dont l'honneur rejaillit sur ses soldats. Ils ont dit que les Canadiens ont remporté la palme. Le lieutenant-colonel Straubenzil, un vieux soldat, a dit qu'il ne s'attendait point à trouver la perfection dans un bataillon aussi neuf, mais qu'il avait trouvé les éléments d'un bon bataillon dans un avenir peu éloigné. Il espère que notre ville, avec ses 9000 habitants, saura encourager l'esprit militaire dans son sein et que le 53e sera encore ce qu'il a été autrefois dans ses beaux jours. Cet officier a parlé en homme sensé et juste. Après la revue, le bataillon a paradé dans les principales rues de la ville au son joyeux de la musique militaire. Il a été reçu 1245 immigrants à l'agence du lieutenant-colonel des Botson à Sherbrooke durant l'année expirée le 30 juin dernier. La plupart sont de bons agriculteurs, des journaliers, des domestiques et des artisans. Les domestiques sont en grande demande. La maison des immigrants devrait être agrandie et munie d'une cuisine et de bains. Le gouvernement devrait aussi continuer le système des passes et des repas gratuits jusqu'à ce que les nouveaux venus soient placés. À propos, où est le rapport de M. Noël, l'agent de langue française? Combien d'immigrants a-t-il reçu et hébergé depuis qu'il mange à la crèche du gouvernement? Comment se fait-il que les rares Français qui nous arrivent, les Belges même, s'en vont tout droit chez le vaillant colonel? On rapporte qu'un Belge éminent a déjà déclaré que l'agent de langue française « is not the right man for the right place ». Il ne se fait pas aller.